النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا ذكروا في شيء من مسائل الدين ذكرناها يعني قبل قليل عن نعيدها للفائدة. شرحنا معنى آية في سورة آل عمران قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إذن ماذا قلنا؟ قلنا أن هؤلاء الذين مدحهم الله من أهل الكتاب هؤلاء الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد يعني هم من أهل الكتاب ولم يؤمنوا بمحمد يكونون من الصالحين، لا، إنما الذين آمنوا بمحمد ودخلوا في الإسلام هؤلاء أهل الكتاب المؤمنون، أهل الكتاب المؤمنون الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. Donc, on a cité une ayah dans Sourate Al-Imran, ayah 113 et 114, et qui parle qu'ils ne sont pas pareils. Donc, il y a des groupes de gens des livres qui sont croyants. C'est qui ces croyants-là, des gens du livre? C'est ceux qui sont convertis, ils ont cru au Muhammad. C'est cela, en fait, qu'il faut comprendre. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui reste, ne croit pas au Muhammad, il sera croyant, non. Ce n'est pas valable. De même, si on ne croit pas en Isa ou Moussa, on ne peut pas être croyant. Donc il ne faut pas croire ici, non, parce qu'il y a des gens qui lisent tout seuls le Coran, ils comprennent de travers. Et donc ici, il ne faut pas croire qu'il y a des gens du livre, sans croire en Muhammad, ils seraient croyants. Non. Ici, ça parle des gens qui ont suivi. Donc, Muhammad, donc ils sont convertis à l'islam. Donc, c'est ceux-là, ceux qui sont cités dans cette ayah, qui sont des vertueux, qui croient en Allah et au jour dernier, et ordonnent le bien, interdisent le mal, et ils se hâtent pour faire des biens, et ceux-là sont des vertueux. C'est ceux-là, c'est ceux qui ont cru en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعطيو أمثلة، أعطينا أمثلة من أهل الكتاب آمنوا بالنبي معروفين، منهم أصحاب النجاشي. Il y a des exemples parmi des gens du livre qui sont convertis, ils ont cru en Muhammad à l'époque du prophète. Il y en a qui étaient connus comme le roi Négus, أصحاب qui était le roi de la Bessinie, Al-Habasha. كان ملك الحبشة كان نصرانيا. عندما اشتد الظلم في مكة من قبل كفار قريش على أتباع النبي، استأذن بعض المسلمين النبي للهجرة. الهجرة الأولى قبل هجرة إلى المدينة، هجرة إلى الحبشة. كانوا 80 شخصا تقريبا معهم نساء، وكان معهم أخو سيدنا علي هو جعفر ابن أبي طالب. فذهبوا فلحق بعثوا نفر قريش بعثوا نفر قالوا الأصل بشي تردهم، يعني بعثوا ناس بشي يكلموا هذا رئيس الحبشة بشي ترد المسلمين. قالوا راه نفر من بني عمنا، قالوا بني عمنا هربوا منا، رغبوا عنا وعن ملتنا. قالوا الناس راه خرجوا من عنا من مكة، خلوا الدين متاعنا. قالوا له راه شوف كيفاش هذوما الناس ما يسجدوش للملك، لا يسجدون للملك ويخالفونك في عيسى بن مريم. يعني هذوما كفار قريش مشاو لأصحاب النجاشي ملك الحبشة. علاش مشاو؟ باش يحثوه باش يطرد المسلمين من عنده، باش يرجعهم. قالوا راهو هذوما جماعه هربوا من عندنا وخلاو الدين نتاعنا، وراهو هاك تشوفهم ما يسجدوش للملك. ويخالفوك في عيسى ويعرفوا نصراني هذا الرجل. حب يسمع هو ايش هو كما يقولوا يعني بالعامين يقولوا عاقل. هو كان يعني عنده أخلاق كافر كان ولكن كان عنده أخلاق. دخلهم قال شافهم يسجدوش المسلمين يسجدوش. جعفر قال لهم أنا مش نتكلم اليوم أنا يعني نتكلم باسم المسلمين اليوم. تكلم قالوا نحن الله بعث فينا رسول أمرنا أن لا نسجد إلا لله أول حاجة. وقال لهم عيسى نبي موشي ابن الله وقرأ لهم سورة مريم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ابكى الأصحاب النجاشي تأثر ابكى ودخل الإسلام شهر ملك الحبشة. شوف هذه يعني شوف قبل الهجرة إلى المدينة دخل الإسلام. قال لهم لولا الملك اللي أنا فيه راني كنت أنا نجيب له النعل متاعه هذا النبي. بدأ يجيب هكا يعني رجال الدين النصارى يدخل فيهم في الإسلام دخل فيهم في الإسلام. فالإلهاب هذا ما تمكنش باش يقابل النبي فلا يعد من الصحابة لأنه يعني إذا ما قابلش النبي ما يتسماش صحابي مع أنه أسلم في زمان النبي. وبعد مات النبي نزل عليه الوحي قال للصحابة قوموا فصلوا على أخيكم أصحابا اليوم مات رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحابا. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عم النبي أبو لهب كافر وهذا بعيد كان ملك نصراني أسلف كان رجل صالح. يعني الهداية من عند الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. إذن أصحم النجاشي ملك الحبشة من أهل الكتاب الذين أسلموا. فهؤلاء المقصود بهم يعني في الآية أهل الكتاب من الصالحين يعني أهل الكتاب لآمنوا بمحمد. أمن ما آمنوش بمحمد كفار أهل الكتاب كفار إلا الذين أسلموا فهؤلاء مسلمون مؤمنون. أمن ما آمنوش بمحمد كافر لم آمنوش بمحمد كافر. Donc on a dit dans cette ayah, ça parle des gens du livre, parce que les gens du livre, ici, il faut le savoir, dans le Coran, c'est dit que c'est des mécréants, les gens du livre, parce que celui qui ne croit pas en Mohammed, il est mécréant, celui qui dit que Dieu a un fils, c'est mécréant. Donc gens du livre, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui prétendent suivre le livre, parce qu'ils ont falsifié la Torah et l'Évangile. Al-Kitab, معناها, ينتسبون الكتاب, التوراه والانجيل, لكن حرفوا معناهما. حرفوا هذا الكتاب هذين الكتابين. Donc, mais parmi les gens du livre, il y a, Dieu nous cite qu'il y a des croyants. C'est qui ces croyants? C'est ceux qui se sont convertis à l'islam, tout simplement. C'est ça. C'est ceux qui se sont convertis à l'islam, tout simplement. Donc, il y a parmi les gens du livre, ceux qui sont crus en Mohammed sont convertis à l'islam. C'est ceux-là que Dieu nous cite dans cette sourate qui sont vertueux, ils croient en Dieu le jour dernier. C'est ceux-là qui sont convertis à l'islam. Mais sans être converti à l'islam, on ne peut pas être croyant. Celui qui ne croit pas en Muhammad ou qui dit que Dieu a un fils, etc., c'est un mécréant. Donc, on va donner des exemples parmi les gens du livre, ceux qui sont convertis, il y en a, ils étaient réputés. Parmi eux, le roi Négus, le roi de l'Abyssinie. Donc, le roi Négus, c'était l'Abyssinie, s'appelait Al-Habasha. C'est vers la Somalie actuellement. Quand les mécréants de Quraysh maltraités, les musulmans nuisaient, ils faisaient du mal, beaucoup de mal, comme c'est connu. Et des musulmans, ils ont demandé l'autorisation au prophète de partir immigrer en Abyssinie, l'Habasha. Donc, ils sont partis, ils étaient 80 personnes à peu près, il y avait des hommes, des femmes, et parmi eux, il y avait le cousin du prophète, pas Ali, mais son frère, c'est Ja'far. Les mécréants de Quraysh ne voulaient pas que les gens partent. Ils ont envoyé des émissaires pour parler au roi. Le roi Négus, il était connu. Donc il était connu, il était gentil. Ils ont envoyé des émissaires, ils ont dit, ah, des gens de chez nous, là, ils sont partis, ils ont quitté notre religion et notre ville, ils sont venus dans ta terre. lui ont dit ça pour qu'il les chasse, pour qu'il les vire entre guillemets. Donc ils lui ont dit, et tu viens voir, ils se prosternent pas pour les rois, eux. Ils parlent des musulmans, eux. Et ils disent pas comme toi sur Jésus, fils de Maria. Ils sont rentrés, le cousin du prophète, il a dit, c'est moi qui va parler, porte-parole. Il a vu le roi qui ne se prosternait pas pour le roi, ces gens-là. Et il leur a demandé pourquoi. Il a dit, Dieu a envoyé un prophète parmi nous et il nous a ordonné que de se prosterner que pour Dieu. Et il leur a parlé de Jésus, ils lui ont dit, Jésus, il est prophète honoré, mais il n'est pas fils de Dieu. Ils lui ont cité des versets de Sourate Maryam, qui relatent là, l'histoire de la naissance de Isa, et que Isa, il dit, quand il a parlé dans le berceau, il a dit, je suis l'esclave de Allah, inni abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Donc il a dit, je suis l'esclave de Allah, la première parole qu'il a dit. Lui, il était sensible, le roi Négus, il a guidé, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui ouvre le cœur des gens, qui guide et égare qui veut. Il a pleuré, il s'est converti. Il a témoigné, il s'est converti, il commençait à ramener les prêtres et les convertir. Et il a dit, si je n'étais occupé par la souveraineté, ce serait moi qui ramènerais les souliers au prophète et de quoi faire le wudu. Par respect au prophète, il a dit ça. Donc, il a vécu à l'époque du prophète, mais comme il n'a pas rencontré le prophète, ça ne s'appelle pas un compagnon. Parce qu'un compagnon, c'est nécessairement il a rencontré le prophète, un musulman qui a rencontré le prophète. Après, il est mort, et le prophète, il a reçu la révélation qu'il est mort. Il a dit aux compagnons, levez-vous, il leur a dit, aujourd'hui, un homme vertueux est mort, levez-vous, faites la prière funéraire pour votre frère, Ashama, donc Négus. Donc ça nous montre que c'est Dieu qui guide et égare, et que on peut être loin du prophète mais suivre sa voie. Donc, et il y en a qui sont proches physiquement mais sont loin des oncles du prophète, comme Abu Talib, Abu Lahab, ils sont morts mécréants. Les ulama disent kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib, kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. يعني يكون قريب بالمسافة بالنسب لكن في بعيد في المعنى مثل أبو طالب قريب في النسب بعيد في اتباع النبي فالقرب يعني في الاتباع في الدين أفضل وأعلى شأنا عند الله من القرب في النسب في الجاه وكذا. Donc les savants disent combien ils sont proches, mais ils sont loin, et combien ils sont loin, ils sont proches. Il y en a, ils sont proches par la distance, par le matériel, la famille, mais dans le chemin de droiture, ils sont loin. Comme l'oncle du prophète Abu Talib, Abu Lahab, ils étaient proches de famille du prophète, la langue, physiquement, mais ils n'ont pas cru. Et roi Négus, il est loin, il s'est converti. Then, have إذن أصحم النجاشي ملك الحبشة. إذن الحبشة هي مدينة معروفة كان فيها المسلمون, يعني فيها من قريش, فيه ناس يعني من قريش موجودين حتى في الحبشة, كالشيخ عبد الله الهرري رحمه الله, اللي هو يعني شيخ الجمعية, يعني شيخ تلاميذ في هذه الجمعية, هو من قبيلة قريش من بني عبد الدار, من بني عبد الدار بطن من قريش, بنو عبد الدار هؤلاء الذين يعني عندهم مفتاح الكعبة, لكن كان يعيش في الحبشة, لهذا يعيطوله الحبشي. إذن هذه الحبشة مشاو لها الصحابة قبل المدينة, القصة اللي ذكرناها معروفة, وأصحاب حبشي يعني كان فيها مسلمون. فالشيخ عبد الله هو عربي أصيل, لكن يعني من الناس اللي عاشوا من زمان في الحبشة, شفنا كيفاش من عهد النبي عاشوا في الحبشة. أصلا النجاشي قصته معروفة. دونك Donc on voit en Abyssinie, il y avait des musulmans depuis l'époque du prophète. Donc il y a maintenant Somalie à l'actuel, il y a Harar, etc. Donc il y avait des Arabes de Quraysh qui vivaient là-bas, donc de l'époque du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et d'ailleurs, donc, parmi les grands savants, le cheikh Abdullah al-Harari, lui, il est de là-bas, mais il est d'origine arabe, de Quraysh, de la tribu de Quraysh, du clan Banu Abd al-Dar, ceux qui ont la clé de la Kaaba. Donc c'est le grand savant des élèves de cette association. Donc il est mort, il n'y a pas... منهم موطأ الإمام مالك صحيح البخاري ومسلم والترمذي النسائي ابن ماجه بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Donc il rapporte bien sûr les hadiths, donc des grands livres موطأ الإمام مالك صحيح البخاري صحيح مسلم avec chaîne de transmission, et la chaîne de transmission on l'a imprimé dans un livre, c'est-à-dire nom par nom jusqu'au prophète. Et c'est ça un grand savant, il faut rapporter par chaîne de transmission. Mais quand un insan alim, il a un sanad متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما يكونش عالم بلا سند، مش مجرد يقرأ الكتب وعنده دكتوراه، هذا لا يكفي، لابد يكون عنده سند متصل إلى النبي. Donc quelqu'un ne peut pas devenir être savant sans avoir une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. Non, parlons jusqu'au prophète. Et le savant, le grand savant de cette association, il a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. Dans les grands livres, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, موطأ للإمام مالك ودوتر. إذن هذا مثال عن أهل الكتاب الذين أسلموا. مثال آخر، هذا من النصارى، واحد كان من اليهود اسمه عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كانوا هم عندهم أسماء عربية في المدينة، اليهود كانوا يعيشوا في المدينة. بعد حصلت مشكلة، النبي أخرجهم من المدينة، مشاو يعيشوا في خيبر، وبعد بداوا يعملوا الشر حتى من خيبر، الرسول غزاهم في خيبر. كان عالم عندهم هما اسمه عبد الله بن سلام، اتى الى النبي. دونك ماتنو ان اكزومبل دي جويف كي سي كونفيرتي تري كونو، سيتي لو سافون كارمون دي جويف كي سي كونفيرتي. دونك لي جويف ils avaient des noms arabes، دونك على الوقت en fait ils vivaient à Médine. دونك parmi eux, Abdullah ibn Salam. Donc il est venu au prophète, lui a posé trois questions. J'ai dit au Nabi, il a dit que c'est un peu plus de questions, mais il a dit que c'est un Nabi. Donc lui a posé trois questions, il a dit que ces questions, il n'y a qu'un prophète qui sait leurs réponses. Il a dit que c'est un peu plus de questions. قالوا وما هو أول طعام أهل الجنة وما بال الولد ينزع لأبيه وأمه. قالوا علاش الوليد ساعات يشبه البو ساعات يشبه الأم. الرسول جاوب على ثلاث أسئلة فأسلم تشهد. نشوفوا شنو الجواب يعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc il lui a posé trois questions. Il lui a dit: quel est un des premiers grands signes de la fin du monde? Quelle est la première nourriture des gens du paradis? Et pourquoi le garçon il ressemble des fois à son père et des fois à sa mère? Le prophète lui a donné la réponse, on va voir c'est quoi les réponses, et il s'est converti, il est devenu musulman. Et donc, il a dit, « Nard, t'akhruj min qari Adam. Nard, t'akhruj min qari Adam. Adam, c'est le Yémen. » فيها بركان وكذا، الرسول تكلم عنها من غير ما يمشي لها. يعني قالوا نار تخرج من قعر عدن، ما قراش جغرافيا الرسول بالوحي. وهي فيها بركان باش تخرج منها نار تمشي بشويه النار والناس تهرب منها تسوق الناس من المشرق الى المغرب هذه من اشراط الساعه دونك لو ان دي بروميير غران سين الى سيتي دونك ان فو كي سور دو عدن عدن جو كرو كو سابيل اون فرونسي كي تروف او يمن يا ان فولكان لو بروفيت الى با ايتيدي لا جيوغرافي مي الى روسي بار ريفيلاسيون. Donc il y a, il n'a jamais été là-bas. Il a reçu par révélation qu'il y aura un signe, qu'un feu qui va pousser les gens. Le feu avance doucement et les gens s'enfuient de l'est vers l'ouest. Et effectivement, c'est une terre où il y a une volcan, cette terre-là. قال ما أول طعام أهل الجنة قال الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة كبد الحوت زيادة كبد الحوت. Donc lui a dit, le premier des nourritures des gens du paradis, il lui a dit, non, bon, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il a dit quelque chose qui est dans le foie de poisson. Quelque chose qui est dans le foie de poisson. Hein? Après le hout... Hout, normalement, ça désigne la baleine. Bah, je n'ai pas plus de détails. Après, ثم قالوا ما بال الولد ينزع إلى أبيه وأمه؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قالوا إذا يسبق ماء الراجل ماء المرأة يشبه البول وإذا يسبق ماء المرأة يشبه الأم. Il a dit pourquoi il ressemble des fois à son père, des fois à sa mère. Il a dit si le liquide de l'homme défend celui de la femme, il va ressembler à son père. Et si l'inverse, il va ressembler à sa mère. Et là, هو تشهد الرسول قال قالوا اختفى يعني تخبى كما نقولوا الدارجة. قال له ساعة هو قال له راهو اليهود هذوما قوم بهت قوم بهت. قالوا لئن علموا أني أسلمت لقالوا فيا ما ليس فيا. قالوا في كي مش يسمع وأنا ندخل في الإسلام شي يسبوني وكذا وكذا. قال له اختفي تخبى هكا. الرسول بعث شكون يعيط اليهود فورا جاء. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في عبد الله بن سلام؟ السؤال الأول. قالوا ذاك أعلامنا وابن أعلامنا. قالوا ما السؤال الثاني. قال لهم ماذا تقولون إذا أسلم؟ قالوا حاشا. شوف كيفاش قالوا حاشا والعياذ بالله. شوف الكفر والضلال. فهو خرج الرسول أول حاجة قال لهم تعلمون أني على حق وجئتكم بحق. ما حبوش قبل تعمل أسئلة. وبعد خرج عبد الله والسلام قال لهم تعلمون أنه على حق وجاءكم بحق. عرفوا دخل الإسلام. قالوا له أنت أجهلنا وابن أجهلنا. مشاو. قالوا لا استنى. قال جيب التوراة لأن التوراة في عهد الرسول كان فيها الكلام الصحيح كانوا غير يحرفوا المعنى بعد حرفوا الكلام. قال جيب التوراة اقرأ. قال اقرأ في الفقرة الفلانية. يقرأ يهودي فشاف اسم النبي غطاه بيده. الناس يعني غطاه بيده. قالوا ارفع يدك. شاف ما عجبهمش الحال مشان الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعرفونه كما يعرفون أبناءه. هذه قصة عبد الله بن سلام. كان من اليهود وكان عالم ثم أسلم دخل بالإسلام. شفنا هذه أسباب ولكن هداية من عند الله. ما كان النفس أن تؤمن إلا بإذن الله. Donc il y avait donc Abdullah ibn Salam, il a posé les trois questions. Donc comme on a vu, et après le prophète il a dit tu sais les juifs ils vont dire ce que sur moi ce qui n'est pas sur moi. S'ils savent que je suis devenu musulman ils vont m'insulter. Il lui a dit, cache-toi. Le prophète, il a appelé les juifs, il leur a dit, vous savez que je suis sur la vérité, je vous ai ramené la vérité, vous le savez. Eux, ils savent, mais ils ne veulent pas reconnaître. Il leur a dit, alors vous dites quoi sur Abdullah, fils de Salam? Ils leur ont dit, mais lui, c'est le plus grand savant de chez nous, le fils du plus grand savant. Il leur a dit, vous dites quoi s'il devient, il devient musulman? Ils ont dit, non, non, non, il ne devient pas musulman. Loin de là, ils l'ont dit, loin de là. Et lui, il est sorti de sa cachette, il leur a dit, vous savez qu'il est sur la vérité, il vous a ramené la vérité. Donc là, ils ont su qu'il est devenu musulman, ils l'ont insulté. Ils ont dit, toi, t'es ignorant, t'es plus ignorant que chez nous. Il leur a dit, non, non, attendez, ramène la Torah. Parce que la Torah, à l'époque du prophète, il y avait les textes corrects. Ils falsifiaient l'explication. Après, ils ont falsifié même les phrases. Il dit, ramène, lis le paragraphe, tel paragraphe. Il lit, il voit le nom du prophète, il l'a caché avec sa main. Il dit, lève ta main. Et il a vu le nom du prophète, mais il ne voulait pas croire. Et Allah dit dans le Coran, ça, ils savent que le prophète est prophète, mais ils ne croient pas, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, ils disent non, les gens vont se détourner de nous, on n'aura plus de pouvoir, etc. Ils disent qu'ils ne connaissent pas. Ils disent que c'est un takabbur. Comme certains gens, ils disent معروف مشهور تقول له صلح هذا غلط وهذا كذا يقول لك انا معروف انت شكون ولا انا جيبك ولدي انت منين اختي وليت انت ما كنتش موجود اختي انا مشيت لمكه ولا كذا التكبر هذا موجود فهم اليهود النصارى كانوا يعرفوا لكن يقول لك نحن باش نولوا الناس عاديين ما عادش نولي عندي رئاسه وكذا فلهذا كثير منهم التكبر تكبر خطر. Donc c'est l'orgueil qui a fait qu'il voulait pas se convertir, mais il savait qu'il est sur la vérité. C'est l'orgueil, ils vont dire bon nous on va perdre notre poste, on est des chefs, les gens se dirigent vers nous, etc. C'est pour cela qu'ils voulaient pas se convertir beaucoup d'entre eux. Beaucoup ils voulaient pas pour l'orgueil. Comme des gens, ils ne veulent pas se corriger, ils te disent ah, mais moi, je suis, toi, tu es comme mon fils, moi, je suis, toi, tu n'étais pas né, moi, je connais ça avant toi, ou ceci, ou cela. Donc, eux, c'est la preuve d'orgueil qui a fait qu'eux, ils ne voulaient pas se convertir. C'est pour ça que la personne doit suivre la vérité, ne pas faire preuve d'orgueil. Il s'est arrivé, t'as pas le haq, ou là, t'as pas le haq. Le haq, ou le haq. أبو طالب مش أبو طالب يعرف الرسول على الحق ما حبش يسلم قال الإنسان تاع قريش مش يتمسخروا بيا شوف الجهل فكر الإنسان في قريش هو على فراش الموت كما نقول لي بروفيت يسافي كو بروفيت يلي سور لا فيغيتي مي لادي نو جو فو با دير لي دو تيمونياج باسكو لي لي فام دو قريش فون سموكي دو موا il dit ça alors qu'il est sur le lit de la mort. Alhamdulillah,